Ésaïe chapitre 19. La charge de l'Égypte. Voici, l'Éternel s'en va monter sur une nuée légère, et il entrera dans l'Égypte, et les idoles d'Égypte s'enfuiront de toutes parts de devant sa face, et le cœur de l'Égypte se fondra au milieu d'elle. Et je ferai venir pêle-mêle l'Égyptien contre l'Égyptien, et chacun fera la guerre contre son frère, et chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, et je dissiperai son conseil, et ils interrogeront les idoles, et les enchanteurs, et les esprits de Python, et les diseurs de bonne aventure. Et je livrerai l'Égypte en la main d'un seigneur sévère, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et les eaux de la mer défaudront, et le fleuve séchera et tarira. Et on fera détourner les fleuves, les ruisseaux des digues s'abaisseront et sécheront, les roseaux et les joncs seront coupés. Les prairies qui sont près des ruisseaux, et sur l'embouchure du fleuve, et tout ce qui aura été semé le long des ruisseaux, séchera, sera jeté loin, et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront, et tous ceux qui jettent l'hameçon au fleuve, mèneront deuil, et ceux qui étendent les raies sur les eaux, languiront. Ceux qui travaillent en lin et en fin crêpe, et ceux qui tissent les filets, seront honteux. Et ses chaussées seront rompues, et tous ceux qui font des écluses de viviers, seront contristés de cœur. Certes les principaux de Tsoan sont fous, les sages d'entre les conseillers de Pharaon sont un conseil abruti. Comment dites-vous à Pharaon, « Je suis fils des sages, le fils des rois anciens, où sont-ils maintenant, où sont, dis-je, tes sages ?» Qu'ils t'annoncent, je te prie, s'ils le savent, ce que l'Éternel des armées a décrété contre l'Égypte. Les principaux de Tsoan sont devenus insensés, les principaux de Nof se sont trompés, les cantons des tribus d'Égypte l'ont fait égarer. L'Éternel a versé au milieu d'elle un esprit de renversement, et on a fait errer l'Égypte dans toutes ses œuvres, comme un enivre se vautre dans son vomissement. Et il n'y aura aucun ouvrage qui serve à l'Égypte, rien de ce que fera la tête ou la queue, le rameau ou le jonc. En ce jour-là l'Égypte sera comme des femmes, et elle sera éperdue et épouvantée à cause de la main élevée de l'Éternel des armées, laquelle il s'en va élever contre elle. Et la terre de Juda sera en effroi à l'Égypte, quiconque fera mention d'elle, en sera épouvanté en soi-même, à cause du conseil de l'Éternel des armées, lequel il s'en va décréter contre elle. En ce jour-là il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront le langage de Chanaan, et qui jureront à l'Éternel des armées, et l'une sera appelée ville de destruction. En ce jour-là il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et une enseigne dressée à l'Éternel sur sa frontière. Et cela sera pour signer pour témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un libérateur, et un grand personnage qui les délivrera. Et l'Éternel se fera connaître à l'Égypte, et en ce jour-là l'Égypte connaîtra l'Éternel, et le servira, offrant des sacrifices et des gâteaux, et elle vouera des vœux à l'Éternel, et les accomplira. L'Éternel donc frappera les Égyptiens, les frappant et les guérissant, et ils retourneront jusqu'à l'Éternel, qui sera fléchi par leurs prières, et les guérira. En ce jour-là il y aura un chemin battu de l'Égypte en Assyrie, et l'Assyrie viendra en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec l'Assyrie. En ce jour-là Israël sera joint pour la troisième partie à l'Égypte et à l'Assyrie, et la bénédiction sera au milieu de la terre. Ce que l'Éternel des armées bénira, en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et béni soit l'Assyrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. »